Vacarme avec le Montreux Comédie Festival du 28 novembre au 3 décembre. Infotrafic RTS. Sur l'axe Yverdon-Morat, il n'y a plus de danger lié aux piétons précédemment signalés entre Payerne et Avenches. Il est 13h30, merci d'écouter la première. Voici Histoire vivante. Histoire vivante, proposée par Irène Chaland et Jean Leclerc. Messieurs les présidents, il est temps de s'en aller. Les autorités de la République démocratique du Congo viennent officiellement de confirmer la mort de Laurent Désiré Kabila. Vous savez, au Congo, comme dans la plupart des pays où les journalistes sont parfois ciblés, c'est rarement le fait de balles prises par inadvertance. Cette semaine, rencontre avec deux réalisateurs. Moi, j'ai besoin de faire un film, et puis en face, il y a quelqu'un qui a besoin de moi. De Kafka à Lucha. Les militaires n'ont pas d'imparé ici au Congo. Ils tirent. Au boulot, au Congo. Les Nations Unies passent. Et les gens jettent des cailloux sur ces gens, je me prends un caillou aussi. Et je me dis, waouh, ça va être chaud. Le Congo est un scandale géologique. C'est un des pays potentiellement les plus riches du monde. Et puis qui a tiré? Tu sais, ce qui me soutient, c'est quand quelqu'un me dit, on est ensemble. Qui a commencé? Je suis fier parce que ceux qui m'ont mis en prison, ils sont du mauvais côté de l'histoire. Deuxième journée en compagnie de Arnaud Zaltman pour parler de son travail commun avec Marlène Rabault. Ils sont, je le rappelle, auteurs de 4 documentaires portant essentiellement sur le Congo. Avec Arnaud Zaltman, nous avons parlé hier de son légendaire passé à la BBC où il a exercé les fonctions de journaliste, découvrant ainsi plusieurs pays d'Afrique où il était un correspondant. On va s'intéresser plus particulièrement à ce pays sur lequel il a travaillé à maintes reprises, le Congo. Arnaud Zaltman, est-ce que vous pourriez un peu nous raconter ce moment où vous vous dites « Bon, la BBC me demande d'être dans une neutralité permanente et... » À mesure que les années passent et que mes points de vue peut-être s'étayent et s'affirment, j'ai peut-être de moins en moins envie d'écouter cet ordre légitime par ailleurs, mais d'avancer un peu plus loin et donc, en l'occurrence, de prendre un nouveau risque. Vous en aviez déjà pris un quand vous aviez 25 balais et puis vous vous êtes embarqué à l'aéroport d'Heathrow pour l'Afrique comme journaliste indépendant. Puis là, vous en prenez un autre, c'est de construire cette fois une cellule de production indépendante qui nous amène aujourd'hui à nous rencontrer. Est-ce que ça a été précédé de quelques moments de doute, d'insomnie peut-être, ou alors ça a été un plongeon sans parachute décidé et le menton en avant? Bon, déjà, en tant que journaliste en Afrique, j'ai pris des risques d'abord qui étaient des risques de reporter de guerre, donc c'est se retrouver dans des endroits où ça tire, avec des militaires parfois tout le temps, enfin pendant des longues périodes se retrouver avec des rebelles. Finalement, ça m'a amené à mettre mon nez dans leurs affaires et à dénoncer des choses qu'ils faisaient. Et donc ça m'est arrivé de prendre des risques physiques. Mais je pense que c'est une bonne école en fait, parce que lorsqu'on a pris des risques physiques, après tout, les autres semblent moins importants, quoi. Et il relativise. Oui, je pense, ouais. Et moi, bon, le tournant, c'est quand j'ai eu mon premier fils. Mais peut-être avant d'en arriver là, ce qui s'est passé, en fait, c'est que, avec Marlène Rabault, on a décidé de faire un premier film qui était Kafka au Congo. Marlène venait d'une école de cinéma, elle était à la caméra, mais elle se disait pas journaliste, elle était toujours frustrée de la durée des formats, on envoyait des sujets de 2 minutes, 2 minutes 30, à ce moment-là, on a rejoint France 24 aussi, qui venait d'être créée. Et donc, elle était un petit peu frustrée de ça. Et moi, de mon côté, c'est vrai que je nourrissais aussi une frustration, comme je vous l'ai dit, du fait que c'était toujours balle au centre, quoi. Et puis, le métier n'apportait pas beaucoup de changements concrets, disons. En tout cas, pas autant que je les aurais souhaités. Et donc, on a fait un premier film qui s'appelle Kafka au Congo. On a décidé, on s'est dit, tiens, on va faire un exercice. On va faire exactement le contraire de ce qu'on fait en tant que journaliste au quotidien. On va faire un film sans interview et sans voix off. Et on va raconter non pas la guerre au Congo, mais la vie derrière la guerre. Et donc, une fois qu'on s'est donné ces paramètres, ces contraintes, on s'est lancé, donc on a trouvé plusieurs personnages qu'on a suivis, notamment une femme qui se bat pour défendre sa parcelle, parce qu'il y a un gros problème qui concerne énormément de gens dans tous les pays où la justice est branlante, c'est que la propriété n'est pas garantie. Et quand vous la rencontrez, elle en est déjà à 15 ans de procédure. Voilà, elle est déjà... ce qui est pas rien. Oui, parce que ça part tout à coup, quelqu'un revendique la propriété de la parcelle, et donc de la maison, qu'elle a achetée des années plus tôt, et où elle vit. avec sa fille. Et donc, cette femme se défend seule devant les tribunaux congolais, mais avec beaucoup de difficultés et en même temps avec beaucoup de courage, bien sûr. Et donc, on a commencé à suivre pendant un an. On a suivi cette femme jusqu'au verdict de son affaire avant qu'on lui propose de faire appel. Ben, on l'a suivi dans son combat contre l'administration, contre la justice congolaise. Comment vous tombez sur elle ? Par hasard, on est allé assister aux audiences et en fait, c'est une des premières dames qu'on a vues. Et puis, on était séduit par le fait qu'elle se défendait seule. On a suivi d'autres personnages sur d'autres tribunaux. Mais eux, ils se défendaient avec un avocat. Là, c'était intéressant de voir une femme seule qui plaidait. Donc, voilà, on a été séduits par elle, par son combat. Elle aussi était heureuse qu'on la filme. Aussi, moi, j'avais cette casquette BBC qui m'ouvrait toutes les portes. Donc, on a eu une autorisation pour pouvoir filmer devant les tribunaux congolais. Bon, c'est pas facile d'avoir ce genre d'autorisation, même en Europe. Et donc, grâce à ce sésame, on a pu accompagner cette femme dans les méandres de la justice. Merci d'y venir, parce que, évidemment, sur tous ces sujets en immersion, on s'interroge toujours sur le making-of, comment ça se fabrique, quelque chose comme ça. C'est pas le tout d'être venu de la BBC, c'est pas le tout du fait que ça ouvre les portes. J'imagine qu'il y a encore du temps, de l'énergie à donner, en termes de conviction, pour arriver justement à emmener les gens qui vont vous ouvrir la porte à le faire réellement. Alors, est-ce que ça a été quelque chose de délicat, compliqué ? Vous saviez à qui vous aviez affaire et comment parler, si j'ose dire ? Bon, je pense que ce que vous dites est vrai, surtout pour l'autre personnage qu'on a suivi. Parce qu'on a suivi une femme qui se bat pour sa parcelle devant les tribunaux congolais. Elle n'a rien à cacher, elle est légitime, elle défend ses droits. Mais l'autre personnage du film, c'est un homme politique qui, en fait, était le questeur du Parlement congolais. Il venait d'y avoir des élections au Congo, donc les ombres... Préciser le questeur, d'ailleurs, la fonction du voilà. Questeur. Alors, le questeur, normalement, c'est celui qui gère les questions parlementaires, mais, en l'occurrence, c'est aussi celui qui gère l'argent du Parlement, l'argent de la démocratie. Et donc, ça nous intéressait de voir dans ce pays où, en 2006, les premières élections libres et transparentes depuis 40 ans avaient eu lieu, ça nous intéressait de questionner le fonctionnement de cette toute jeune démocratie. Et donc, M. Bahati, qui est l'autre personnage de Kafka au Congo, ben, je vais le voir. Il me connaît parce qu'il connaît mon travail de journaliste. Et je lui dis, voilà, on aimerait bien vous filmer dans votre travail, quoi, d'être là, de mettre une caméra dans votre bureau, voir comment vous travaillez. Et donc, il y a eu une sorte de malentendu, parce qu'il a été évidemment très flatté du fait qu'on s'intéresse à lui. Mais il était tout à fait ignorant de ce que pouvait être une caméra lorsque c'était pas une caméra laudatrice. Et donc, nous, on n'était pas là. Il y a énormément de chaînes de télévision au Congo, et les gens filment les hommes politiques, mais ils les filment, et puis à la fin, ils prennent un billet. Ils les filment pour faire leur publicité. Nous, c'était pas le cas. Et d'ailleurs, lui a essayé à deux reprises de me donner de l'argent, ce que j'ai refusé. Il était un petit peu surpris. Je lui ai dit, écoutez, non, on a une production, vous savez, nous, on s'est payé, donc on n'a pas besoin et tout. Évidemment, nous, on faisait pas un film laudateur. Et donc, voilà, on a bénéficié du fait que les gens n'étaient pas tout à fait au clair avec ce que pouvait être une caméra. Cela dit, il s'en sort très bien. Il a été ministre depuis. Enfin, le film n'a pas coulé sa carrière. Par contre, le film montre comment il gère l'argent de la démocratie, on va dire. C'est-à-dire que les gens, dans son bureau, c'est un défilé permanent de gens qui viennent mendier pour obtenir un peu d'argent, obtenir un petit cadeau, une enveloppe, et lui qui peut, disons, être généreux avec les uns, les autres, acheter du soutien. Alors si on entre, par exemple, dans un des bureaux d'administration, on a affaire à une dame, on va l'entendre, ça va être encore plus simple. J'avais acheté la concession auprès des coutumiers en question. Après 3 ans, j'ai vu les adversaires venir. Tous ces gens ici sont venus s'accaparer, s'installer dans mon terrain, dans ma concession. Ils sont venus démorceler ma parcelle et ils sont installés maintenant en Mboudi avec de tels actes de vente. Elle dit que son terrain est situé au quartier Mboudi. Vous, vous êtes à Kimbwala. La localisation des parcelles, sûrement, nous ne maîtrisons pas bien. Mais nous avons les contrats qui situent le lien au niveau de Mboudi, comme nous avons relaté. Nous n'attaquons pas ces pièces qu'il est en train de dire. Nous sommes en train d'attaquer, je m'excuse, les croquis. Mais ça fait 2 quartiers différents. Un instant, un peu, je vérifie. Il est dit, noir sur blanc, un terrain situé à Mboudi, dans la zone de Mongafoul. Oui, ça reste en Mboudi, mais il a sauté une ligne ici. Il vient de sauter. Quartier Ngombe Lutendel. Il a sauté. Il vient de sauter Napali. Il doit préciser. Oui, oui, quartier. Le quartier est mentionné, le quartier Ngombe Mutendele. Avec les papiers comme ça, le tribunal ne va pas s'en sortir. C'est ainsi que le tribunal demande si on ne peut pas effectuer une descente sur les lieux. La cause est remise au jeudi 12 février. Vous n'avez pas oublié qu'il y a des modalités pratiques qui sont d'usage. Oui, ça s'appelle Kafka au Congo. On comprend la difficulté, c'est-à-dire avoir un papier, essayer d'obtenir la moindre avancée d'un petit centimètre relève d'un exploit phénoménal. On comprend que cette dame, ça fait déjà 15 ans qu'elle y est, courageusement. On sent des petits moments d'abattement, mais on sent quand même au fond, elle ne lâchera rien, et puis elle est déterminée à avoir gain de cause, quand bien même elle puisse l'avoir ou pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Quelque près de la descente, oui. Bon, c'est où par exemple ? C'est où ? C'est vers Mboudi. Oui, c'est trop loin. C'est pas trop loin. C'est trop loin. Vous allez déplacer le tribunal d'ici jusqu'à Mboudi. Ce n'est pas la première fois, madame. Parce que vous je n'ai pas dit le contraire, madame. Mais vers Pompage jusqu'à au cimetière. Mais pour le frais de la descente, je crois que ce n'est pas moi qui le fixe. Mm. Je vais voir le juge. Ce sont eux qui vont me dire. Et puis je vous dirai quoi. Vous aussi, vous n'êtes pas au courant qu'on paye telle somme. Je peux vous le dire, oui. Mais j'aimerais mieux être sûr de ce que eux vont accepter. Oui, est-ce qu'on peut vous attendre? Quelques minutes, oui. Ok. Merci. Arnaud Zetman, avoir des autorisations, comme par exemple filmer cette fonctionnaire, femme, qui n'est pas filmé sous son meilleur jour, parce qu'on a quand même le sentiment que c'est pas une foudre de guerre en matière de travail. À l'évidence, elle fait peut-être des erreurs, mais surtout, elle n'y met pas le maximum d'elle-même. Est-ce que ça aussi, ça a été facile à négocier, délicat? Comment ça s'est passé? Les portes se sont ouvertes. Vous savez, la caméra, on arrive, on est une toute petite équipe avec Marlène Rabault, et donc on arrive, on s'introduit, et puis... souvent, on se met dans un coin. Souvent, les gens laissent faire. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que moi, j'ai utilisé le mot corruption, mais eux ne se vivent pas comme des personnages corrompus. C'est la normalité. Oui, quelle corruption ? De quoi vous parlez ? Vous venez avec des mots. Non, c'est pas la corruption. C'est comme ça. On partage. Il fait quelque chose, je donne. Je demande quelque chose, je donne quelque chose. Moi, qui ne suis pas payé, qui suis fonctionnaire en arriéré de salaire et tout. Comment voulez-vous que je fasse ? Et d'ailleurs, ça transparaît dans le film. Elle le dit à sa fille Gorette. Ils sont aussi mal payés. Le gouvernement peut-être ne les paye pas bien. Raison pour laquelle elle aussi cherche à travers nous de ne pas trancher. On vous trimballe comme ça jour et nuit. Il sait que lui n'a pas raison. Il va continuer toujours à les amener l'argent. Et comme vous aviez raison, si on vous laisse comme ça, on vous donne raison, on vous donne votre jugement, peut-être demain, il n'aura pas de clients. Et n'auront plus cet argent-là. Voilà. Voilà pourquoi est-ce que vraiment nous souffrons ici au Congo. Mais ça montre quand même le fonctionnement. Et d'ailleurs, on a eu une blague, c'est que à l'époque, ce film était produit par une société de production belge qui avait donc réuni un budget pour faire ce film. Et une partie du budget devait être allouée par la coopération belge au développement qui soutient la production de films qui parlent des questions de développement et notamment de films en Afrique et particulièrement au Congo puisqu'il s'agit d'un guichet belge. Mais ils ont vu le film et ils se sont retirés. C'est la première fois qu'ils ont fait ça. Ils ont dit « Ah non, nous, on ne veut pas être associé à un film pareil » parce qu'on montrait une société tellement corrompue que à la fin, le spectateur se dit « Bon, qui se débrouille, quoi ? Est-ce que c'est opportun de donner de l'argent, d'aider ? Est-ce qu'il ne faut pas laisser se débrouiller ? Et puis, on verra plus tard. » Et donc, la société de production qui nous soutenait a été vraiment embêtée parce qu'ils ont perdu le financement qui est prévu pour le film. Moi, je suis capable d'arranger avec votre concurrent. Moi, je peux le voir en personne, en tant que chef coutumier. Si, par exemple, il a tort, il ne voulait pas partir, moi, je peux le faire partir sans problème, calmement, sans justice. On va utiliser le pouvoir ancestral, à condition que vous avez raison. Si vous avez raison, le monsieur ne peut pas dormir 24 heures, il va sortir directement, sans même policier, sans même chef de quartier. Il y a plusieurs moyens de finir le conflit parcellaire, à l'amiable, à la justice, et puis ancestralement, quoi. J'ai été alerté, Arnaud Zeitman, par une expression, et votre film laisse entendre de manière sous-jacente sa définition, mais j'aimerais bien peut-être avoir de votre part peut-être un éclairage plus frontal. Qu'appelle-t-on régler un litige ancestralement ? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs droits qui se superposent au Congo, dans des pays qui ont été colonisés. Il y a ce qui existait avant la colonisation et qui a été utilisé par le colon. Donc les chefs coutumiers n'ont pas été mis sur la sellette, on a signé des accords avec eux, ils ont continué à jouir d'un certain pouvoir, et après l'indépendance, ils ont continué à être célébrés, et généralement, les chefs coutumiers ont toujours soutenu les colons, la dictature, le pouvoir en général, qui en échange leur garantissait leur impérium, le cérémonial dont ils jouissaient, une forme de soutien. Donc le droit ancestral, c'est le fait que les ancêtres, représentés par les chefs coutumiers, continuent à gérer certaines choses et que donc, lorsque cette femme a un problème de parcelle, elle doit à la fois s'en référer aux ancêtres, c'est-à-dire aller payer une fois de plus le chef coutumier pour qu'il fasse de la magie, qu'il la soutienne, soi-disant qu'il intervienne auprès des ancêtres, et puis également aller payer les fonctionnaires d'aujourd'hui. Donc, que sait-on de l'efficacité de ce type de réglage ? Bon, les chefs coutumiers, ça peut servir sur des litiges fonciers entre des voisins, ils peuvent avoir un rôle. Ça peut servir aussi sur des problèmes de bétail, des problèmes de culture, de champs. Donc c'est une sorte de prud'homme, de tribunal qui peut servir, enfin mais de qui gens est donc qui peuvent encore faciliter, écouté, qui peuvent être écoutés, absolument. Après, ce sont pas forcément non plus les garants de la modernité. Ils viennent aussi souvent avec... Bon, c'est la tradition qui parle et qui gère le litige dans certains cas. Vous, par exemple, journaliste, reporter, si vous veniez avec soit du son, soit de l'image, pour assister à ça, vous seriez autorisé ? Oui, je pense qu'il y a moyen. Mais dans Café au Congo, on a filmé à un moment Gorette qui va voir le chef coutumier... qui fait des incantations. Mais pas la deuxième scène. D'ailleurs, on ne sait pas s'il est allé voir. Oui, la deuxième scène, il fait défaut. Il a reçu de l'argent et puis après, il lui dit après. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Allô ? Allô ? Allô ? Papa David ? Allô ? Allô ? Allô ? Maintenant, il est en train de nous fouiller. Bon, écoutez. Ce qui, effectivement, c'est une règle courante. Il y a tout lieu de s'interroger sur la pérennité de la validité de ce droit-là. Parce que s'ils ont l'habitude de faire défaut, de se faire payer et de ne pas aller plus loin, forcément, auprès de la population, ça peut, un jour ou l'autre, finir par lasser, décourager et perdre toute légitimité. Oui, après... À moins que vous soyez tombé sur un cas... Lui, en l'occurrence, c'est un monsieur qui a passé des années à Paris. Donc, il fait de la magie, mais il a passé des années à Paris, puis il est rentré au pays à la mort de son père pour reprendre la chefferie. Après, ce sont des questions communautaires. Ce sont des gens qui sont censés faciliter des résolutions de conflits au niveau de la communauté sans devoir recourir à des tribunaux qui, de toute façon, ne fonctionnent pas. Donc, ça... une forme d'intérêt. Après, je pense qu'on est aussi à un tournant. Aujourd'hui, en Afrique, il y a une jeunesse qui en a marre des chefs coutumiers, qui en a marre de cette tradition, qui en a marre de la dictature. Ils sont sur leur smartphone, ils sont tout à fait au fait de ce qui se passe ici. Ils sont au fait de ce que devrait être la vie chez eux. D'autant plus qu'on n'en a pas encore parlé, mais le Congo est un pays immensément riche. C'est un pays dont les sous-sols contiennent des trésors. La République démocratique du Congo, ex-Zaïre, on y trouve cobalt, cuivre, diamant, or, coltan, qui sert à fabriquer nos téléphones portables et notamment au lac Kivu, qui sert de frontière naturelle entre la RDC et le Rwanda, l'un des plus grands lacs d'Afrique. Somptueux paysage. On retrouve néanmoins aujourd'hui le Congo au 176e rang sur 187 pays de l'indice de développement humain selon les Nations Unies. Donc, à l'évidence, il y a un léger problème de gestion, pour parler de manière euphémistique. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir auprès de vous qui connaissez ce pays une radiographie ? Alors, d'abord, le Congo est ce qu'on a coutume de dire un scandale géologique. C'est un des pays potentiellement les plus riches du monde. Lorsque le roi des Belges, Léopold II, prend possession du Congo à la fin du 19e siècle, qui est sa propriété personnelle, hein, entre 1800, la conférence de Berlin en 1885 et 1904, au moment où il cède le Congo à la Belgique, donc pendant 20 ans, c'est la propriété du roi des Belges. Et On est à l'époque du développement du pneumatique par Dunlop. Et donc, le Congo devient une gigantesque plantation d'EVA. Il faut du caoutchouc pour fabriquer des pneus pour l'industrie automobile européenne et américaine. Et c'est le Congo qui va fournir le caoutchouc qui sert à ces pneus. Aujourd'hui, alors qu'on passe aux véhicules électriques, il faut du cobalt pour les batteries des véhicules. Le Congo, aujourd'hui, dispose de 55% des réserves mondiales de cobalt. Donc le cobalt, aujourd'hui, est fourni de même par le Congo. Et si certains constructeurs automobiles n'arrivent pas à suivre avec la production des voitures, aujourd'hui, il y a des retards dans les commandes, etc., c'est parce qu'ils n'arrivent pas à sortir le cobalt assez vite du Congo. Le Congo a aussi un fleuve, qui est le deuxième fleuve au débit le plus important du monde, après l'Amazon, c'est le fleuve Congo, dont la capacité énergétique est assez importante pour électrifier toute l'Afrique. À un endroit bien précis, qui est à Inga, qui est un peu avant l'embouchure du fleuve dans l'océan Atlantique. Donc le Congo a tout ce qu'il faut potentiellement pour porter l'Afrique. Coltan également, je crois. Alors le coltan pour les téléphones, pour tout ce qui est batterie aussi, téléphone portable. Hein, le coltan, effectivement, qui est un minerai qui sort de l'est du Congo. Donc les minerais, il y en a énormément. Alors pourquoi c'est pas un pays très riche? Parce que comme malheureusement très souvent, les pays les plus riches sont les pays où il y a des guerres, sont les pays où les entreprises, l'Occident se bat. Le Congo est en guerre parce que, pour ce qui concerne justement le coltan, les mines de coltan aujourd'hui sont occupées par des groupes rebelles dans l'est du Congo, soutenus tantôt par le Rwanda, tantôt par l'Ouganda, tantôt par des Congolais eux-mêmes. Cette insécurité permet de sortir le minerai de manière clandestine. Et quand c'est pas de manière clandestine, la corruption est telle que les taxes qui sont prélevées sur les minerais n'entrent pas dans les caisses de l'État, ou parfois elles entrent chez des très hauts officiels de l'État, bien évidemment, mais pas dans les caisses qui doivent servir au développement du pays. En ce qui concerne dans le Katanga, donc plus au sud, frontalier, donc vers le début de l'Afrique australe, en fait, donc frontalier avec la Zambie, là on est dans des plaines, en fait, on est dans une de savane, de plaines. Là, c'est le cuivre et le cobalt. Donc, là, ce sont des entreprises. Alors, il y a deux manières d'extraire le cuivre et le cobalt. Il y a l'industrie minière, il y a des entreprises. Mais là aussi, il y a des gros scandales économiques qui impliquent d'ailleurs le président Kabila et son entourage direct, qui, via des hommes d'affaires étrangers, ont pris possession ou ont pris des parts dans des consortiums qui, pareil, exploitent sans que l'argent arrive dans les caisses de l'État. Ils ont également complètement vampirisé une entreprise d'État qui s'appelle la Gécamine et qui a la propriété sur tous ces gisements, mais qui a été réduite au rang de spectatrice. Et puis, l'autre extraction, c'est celle qui est opérée par les mineurs artisanaux, comme on les appelle, donc les jeunes Congolais, les enfants de ceux qui autrefois travaillaient à la Gécamine, avaient de l'enseignement, le gratuit, vivaient dans des concessions quand même assez agréables, dans des petits villages où tout était fourni. Les enfants, ils vont à la mine aujourd'hui et ils extraient dans des conditions très difficiles. Et ils vendent des minerais principalement à des hommes d'affaires chinois qui les exportent vers l'Asie via les ports d'Afrique australe. Est-ce qu'on doit comprendre, Arnaud Zeitman, qu'il y a de la richesse géologique, mais une fois qu'elle est extraite, elle fabrique de la richesse terrestre? Est-ce que cette richesse sort à ce moment-là tout ou partie des frontières du Congo? Et ceux qui l'ont, dans ces cas-là, la protègent du mieux qu'ils le peuvent? Ou ils vivent dans des quartiers bunkérisés, qui fait que la population pauvre, elle, ne saurait, quand bien même elle le voudrait, y avoir accès. Bon, aujourd'hui, les richesses, il y a des gens qui deviennent très riches au Congo, alors qu'en une génération. Donc c'est quand même un pays de... Vous savez, vous marchez dans la rue au Congo, dans une ville congolaise, il y a quelqu'un qui va traverser, qui va vous repérer, qui va venir vous voir, vous dire... Arnaud Zeitman, on s'est rencontrés, rappelle-toi, tu ne me reconnais pas, on s'est vu à tel endroit, tatati, il y a un an, il y a deux ans, et on va commencer à avoir une conversation. Et ce que je veux dire, c'est que le carnet d'adresse, c'est tout pour les gens qui n'ont pas de travail et qui sont à la recherche d'opportunités, les débrouillards, comme on les appelle là-bas. Et donc, ils ont cet entre-gens qui fait que ils arrivent à... Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu il y a quelques années un gag qui avait fait le tour de la toile sur un chauffeur de taxi congolais qui se présentait à la BBC pour une interview pour un job et qui s'était retrouvé à l'antenne parce qu'il y avait eu un quiproquo Et quelqu'un était venu, une assistante de production était venue le trouver dans le lobby en disant, tiens, vous êtes monsieur, c'est vous pour l'interview, vous êtes monsieur. Et lui, il s'est dit, tiens, il y a une opportunité, on va voir ce qui m'arrive. Paf, il se lance dans l'aventure. 5 minutes plus tard, il est au maquillage et puis en studio en train de répondre à des questions sur l'avenir du téléchargement sur Internet. Ça, c'est le Congo. Voilà, ça, c'est le Congo. So what does this all mean for the industry and the growth of music online? Well, Guy Cuny is the editor of the technology website News Wireless. Hello, good morning to you. Good morning. Were you surprised by this verdict today? I'm very surprised to see this verdict to come on me, because I was not expecting that. A big surprise. Exactly. Yeah. Do you think now more people will be downloading online? Actually, if you can go everywhere, you're gonna see lot of people downloading to the internet and the website, everything they want. But I think it's much better for the development and to improve people what they want and to get on the easy way and so fast the things they're looking for. Donc voilà, on peut n'avoir rien et être rien et le lendemain être tout au Congo, mais c'est rare et faut beaucoup beaucoup d'imagination. Mais pour revenir à ma proposition, est-ce que l'argent part? Il y a forcément de la richesse au Congo. Je veux dire, pas seulement la richesse géologique, des gens, une classe qui est riche. Celle-ci se bunkerise. Oui, bunkerise, bien sûr. Les gens investissent. La famille présidentielle, par exemple, ils ont beaucoup investi en Tanzanie. On ne sait jamais. Si un jour ils sont chassés, ils ont investi dans des propriétés en Tanzanie. Bien sûr, les gens se bunkerisent. Ça devient coupe-gorge. Il y a des villes qui deviennent vraiment très, très dangereuses au Congo. Moi, je l'ai vu évoluer, le Congo. Moi qui ai vécu 10 ans à Kinshasa. Kinshasa, quand je suis arrivé en juin 2000 et quand j'en suis parti en 2010, c'était pas du tout la même ville. Les Chinois étaient arrivés entre temps. Il y a une petite classe qui s'était enrichie. Il y a des rues très encombrées où il y avait justement c'était très difficile, en fait, de se bunkeriser. On était toujours en contact avec tout le monde. Et puis, ils ont le boulevard du 30 juin, qui est l'artère principale de Kinshasa, a été élargi. Les arbres qui pourvoyaient de l'ombre ont été rasés. Et c'est devenu une autoroute en pleine ville. Ce qui a permis aux gens, justement, de tracer, de plus être en contact avec les enfants des rues, avec qui il fallait négocier, avec qui on donnait chaque jour, les gens distribuaient des petits sous. Bon, tout à coup, il y avait moyen de ne rien donner à personne. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? La colère augmente, la criminalité aussi. Et moi, quand j'ai quitté le Congo en 2010, Kinshasa, c'était devenu un coupe-gorge. On ne pouvait plus marcher dans la rue le soir sans se faire agresser. Donc, aujourd'hui, les gens se bunkerisent. Après, les gens partagent aussi au sein des familles. Les gens ont des familles élargies. Quand il y en a un qui gagne énormément d'argent, il traîne généralement un clan de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes qui vivent à ses crochets. Donc il y a un partage qui se fait de cette façon-là. Vu que l'État ne joue pas son rôle, bon, les gens partagent en famille, s'aident les uns les autres, payent des études aux petits-neveux, à l'arrière-petits-cousins, voire arrosent le village. Dans Kafia au Congo, on le voit, à la fin, Bahati, qu'on a suivi, retourne dans son village, il fait campagne, en même temps il distribue de l'argent, il monte ses largesses. Bon, c'est le clientélisme qui bat son plein. Et il nous laisse filmer Parce que c'est assumé. Parce que c'est totalement assumé, bien sûr. C'est totalement assumé. Mais je voudrais également vous inviter à vous enrôler massivement lorsqu'il y aura l'enrôlement pour les prochaines élections. Vous savez, plus on est nombreux, plus on aura plus de représentants dans les instances. Et donc, il faut que tous ceux qui ont déjà 16 ans aujourd'hui, qui auront 18 ans dans 2 ans, et tous ceux qui ont déjà au-delà de 18 ans, qu'ils s'enrôlent massivement. Nikusema, wakati kampagne ya enrôlement itaanza, inaomba watu wote wajiandikishe. Nous retrouvons demain Arnaud Zaitchman, notamment pour parler de documentaires, on va dire, politiques, avec Adieu l'enfer, un objet de moyen métrage, une petite demi-heure, et un documentaire de taille classique, 52 minutes, qui a tué Laurent Désiré Kabila. Cette semaine est réalisée par Jérôme Nussbaum. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, 14h.